Mordre en crème un doigt sous l'échafaud. Vide. Hein? Espionner le colonel Oiseau. Hein? Espionner le colonel Oiseau. Hein? Vous êtes sur les ondes de CKRL de 89.1, l'accroche-oreille qui se poursuit jusqu'à 22h. Je vous propose ce soir un modeste hommage à l'artiste indiscipliné Simon Drouin, qui nous a quittés le 4 janvier dernier après une longue maladie. Simon était un des artistes fondateurs du Bureau de l'APA avec Laurence Brunel-Côté et membre également de l'Orchestre d'Homme Orchestre depuis une vingtaine d'années. Il était l'incarnation de cet homme orchestre, à la fois protéiforme et indiscipliné, ouvert à la collaboration avec des artistes, des artisans et des gens de tous horizons. Je vous propose donc en reprise, pour cette deuxième partie d'émission, une rencontre réalisée en janvier 2018 avec Simon Drouin et Gabriel Boutillier, à propos cette fois de l'Orchestre d'Homme Orchestre. Gabriel Boutillier, Simon Drouin, bienvenue à l'accroche-oreille. Salut. Bonjour. L'Orchestre d'un homme orchestre, c'est ce collectif d'artistes qui œuvre à la fois sur le plan scénique, sur le plan musical. Vous venez de produire un premier album, je pense, et j'aimerais ça que vous me racontiez l'histoire de cet album. Oui, ben donc c'est ça, depuis le début, disons, le projet de l'orchestre, comment il s'est défini avec le temps, c'était vraiment de mettre en performance la musique de différentes façons, sur scène, dans la rue, dans des installations, tout ça, mais c'est toujours comme partir de la musique, mais de trouver une façon de la mettre, j'aime bien la mise en performance plus que mise en scène, puisqu'il y a pas, la mise en scène fait référence au théâtre, puis on n'est pas de ce côté-là. Puis donc on a travaillé là-dessus depuis là, plusieurs années, puis à un moment donné est apparue l'idée de se dire on pourrait faire un disque, mais c'est drôle parce que pour nous c'est arrivé très tard, c'était quelque chose qu'on excluait toujours, aussi parce que peut-être les premiers shows, on travaillait à partir de répertoires extérieurs à nous, en fait, puis après ça, il y a eu des compositions qui étaient faites dans certains spectacles, puis là, on a commencé à se dire on pourrait glaner dans tout ce matériel-là qui est apparu sur plusieurs années, puis constituer une sorte d'anthologie mystérieuse, non exhaustive de notre travail, fait que c'est un petit peu ça. Puis il y a une autre idée qui était aussi sur l'album, c'était l'idée, c'est, quand l'idée est apparue, c'est qu'on tournait beaucoup, il y avait une grande densité d'activités, puis on s'est dit, hein, ça serait le fun de travailler sur des projets sur support fixe, où on n'est pas performeur, puis donc là, l'idée de travailler sur une œuvre installative qui a été présentée à la Manif d'art, le projet Parade, avec Jacinthe Carrier, l'idée de faire un disque aussi était intéressante pour ça, mais l'idée, c'était vraiment de créer le disque qui n'est pas l'archive d'un projet de performance. C'était vraiment de dire, on va faire exister quelque chose qui va se porter tout seul, auquel les gens vont pouvoir assister dans l'intimité, chez eux, puis fait que c'est un peu ça, là. Gabriel, Simon, si vous voulez, on va faire entendre aux auditeurs une première piste pour les mettre un peu dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? On a l'album devant les yeux, là. Gabriel, qu'est-ce que tu suggères? Moi, je vous suggère d'écouter parler en même temps. Se pincer un doigt sous l'échafaud. Hein? Se pincer un doigt sous l'échafaud. Hein? Espionner le colonel Oiseau. Hein? Espionner le colonel Oiseau. Hein? Effacheur, l'impossible, par le petit boudin bleu. Hein? Effacheur, les oreilles, par le petit bout rose. Hein? C'est un oiseau le cœur de lithium et de sauce à la lali, la la la la la. Hein? S'asperger le cœur de lithium et de sauce à la lali, la la la la la. Hein? Bazamouiller les encluelles, mirabelle, tampon. Hein? Bazamour, les enduels, mirabelle, tampon. Hein? Hein? Faire du clic avec des moins. Hein? Faire du clic avec des moins. Hein? Faire du clic avec des moins. Hein?

Gabriel, Simon, comment s'est construit ce disque-là? Bon, parce que, est-ce qu'il y a des extraits live dans le projet ou si vous avez retravaillé à partir là, de vos archives, du matériel qui était disponible ou que vous aviez réalisé? Bien, on a tout, je crois qu'on a tout réenregistré. Enfin, je cherchais l'exception à la règle, mais il n'y a pas d'exception. Donc, l'idée, c'était vraiment de le revisiter, de le refaire autrement, de se poser la question, OK, comment on le ferait pour le disque maintenant? Dans certains cas, ça nous a mené complètement dans la musique, dans les instruments traditionnels et tout ça. Dans d'autres cas, ça nous a mené à continuer dans la musique qui se voit, là, tu sais, d'utiliser des objets qui créent des images, mais des images qu'on ne voit pas finalement, mais qu'on entend, puis de se dire, OK, non, gardons-le comme ça, dont la première pièce, le retour du printemps, là, avec un camion préparé. En fait, on a rentré le camion dans le studio, on avait la caserne Ex Machina pour enregistrer ça, donc on l'a rentré à l'intérieur, puis on a enregistré le camion en studio, fait que ça c'était intéressant aussi, fait qu'on a essayé comme différentes stratégies pour chaque pièce là, selon un peu là, nos selon les envies. Simon ou Gabriel, le camion préparé, c'est le camion qui vous a mené dans toutes sortes d'événements et notamment l'été, je pense, à Québec. Oui, on l'a beaucoup utilisé comme ça. En fait, il est apparu, je pense, en 2008. C'est un camion de lait 1963, probablement, peut-être de pain, un camion de livraison. Et puis, ça a été assez central dans plusieurs de nos créations pour l'espace extérieur, en fait, pendant plusieurs années. Le fameux Tintamarre Caravane est né avec ce camion-là, aussi à l'époque le Mobiloscope. Et ce sont deux spectacles qui ont tourné beaucoup pendant quelques étés. Le Tintamarre roule encore maintenant, c'est drôle de dire roule. Et oui, tout ça part de ce camion-là. Puis encore une fois, on s'est retrouvé avec une démarche qui n'était pas préméditée, mais à posteriori, à se dire, oh là là, juste d'avoir un véhicule qui devient à la fois un contenant, une scène, une loge, une coulisse, habite beaucoup l'espace et ça structure énormément notre façon de travailler avec la création. Donc, on a trouvé ça très fécond, très porteur de travailler à partir de vieux véhicules comme ça. Maintenant, bien, je pense que ça fait un petit peu partie de notre image de marque, là, si on veut. Oui, exactement. C'est caractéristique du visuel de l'orchestre, de l'homme-orchestre. Si vous voulez, on va écouter ensemble le retour du printemps. En écoutant l'album, il y a évidemment une originalité musicale très, très certaine, très forte. Et il y a une ou deux pièces où on est davantage dans l'expérimentation sonore, je dirais, au sens que je lui donne dans le cadre de l'émission. Et je pense entre autres à Lustre à flûte, qui est une pièce assez intéressante. J'aimerais que vous m'en parliez de cette pièce, Lustre à flûte. Bien, dans cette espèce d'anthologie de notre vocabulaire, on a aussi cherché à rendre compte de certains objets particuliers qui ont marqué notre travail avec le son. Ce lustre à flûte-là est apparu justement dans le cadre du projet Mobiloscope et il s'est retransformé avec le temps. On a voulu le réutiliser parce qu'on le trouvait très, très évocateur, déjà très beau, très élégant, mais avec une espèce de potentiel sonore qu'on trouvait inexploré encore. On voulait le pousser un peu plus loin, donc il est revenu dans Cabaret Brise-Jour après. Puis bon, dans le cadre de ce disque-là, on n'a pas voulu nécessairement refaire la musique qu'on avait fait avec cet instrument-là, qui est réellement un lustre, qui a vraiment l'air d'un lustre de salle de bal, mais au lieu d'avoir des glitters en verre, on a des flûtes à bec qui sont chacune calibrées sur une note différente et qui sont actionnées avec des poires à jus qui servent à faire passer une espèce de décharge d'air dans chacune de ces flûtes-là. Donc, c'est un instrument qui est très aléatoire, qui peut être joué par une seule personne à la fois ou plusieurs, dépendamment, parce qu'il y a comme une espèce de collection de poires à jus qui actionnent chacune leur lustre. Et bien, pour ce morceau-là, ce disque-là, on s'est dit, on va le faire parler. Alors, on s'est installé avec l'objet et on lui a consacré une séance d'enregistrement pour voir qu'est-ce qu'il y avait à dire. On n'avait pas nécessairement de plan de match au départ et c'est l'objet lui-même qui a dicté quelque chose. Puis on a travaillé avec ça en surimpression de pistes et en réaction avec ce qui s'était passé précédemment. Alors, ça a été très agréable. Je pense qu'on a tous eu beaucoup de plaisir à voir cet objet sonore apparaître, porté par cet objet non sonore, totalement physique, qui est réellement un lustre à flûte. Puis d'ailleurs, il y a une espèce de surprise à la fin. C'est pas une pièce qui a été voulue, là. C'est une pièce qui a émergé. Thank you. Alors, on vient d'écouter ensemble cette pièce qui s'intitule « Lustre à flûte ». Alors, pour rappeler aux auditeurs, l'Orchestre de l'Homme Orchestre, c'est beaucoup d'hommes et de femmes orchestres dans ce collectif. J'aimerais que vous me rappeliez le nom de vos collègues, là, outre Gabriel et Simon. Ben il y a, c'est ça, Simon Elmalé, Jasmin Cloutier, Daniel Hortman, Bruno Bouchard, Nadine Lisotte, ça c'est un peu comme le noyau. Après ça, ben là, c'est d'ouvrir vers tous les collaborateurs. Il y a des collaborateurs plus proches, les gens du bureau de la PAD, de Théâtre d'ingénierie. Après ça, il y a plein de musiciens qu'on côtoie souvent, qu'on va chercher pour des projets. Après ça, il y a des gens qui sont embarqués juste pour ce projet-là. Là, je rentre pas dans la liste, mais c'est ça. Puis je pense un peu comme la photo qui est sur le CD aussi, mais c'est ça, cette photo-là du projet Parade qui avait été présenté à la Manif d'Art, qui est une sorte de grande parade dans un champ avec personne qui la regarde, mais on est, je sais pas trop, une cinquantaine, peut-être plus, de personnes. Puis je pense que ça montre bien cette idée-là de communauté qu'on a toujours un peu voulu, dans l'orchestre et autour de l'orchestre, créer, animer un milieu, faire en sorte qu'il se passe des choses, puis avec le public aussi. Donc ouais, c'est un peu ça. Le jour devient froid. Le jour devient gris. Ok, ça y est. Ça y est, le jour est froid. Le jour est froid. Le rouge est gris. Le rouge est gris. Le jour est froid. Le jour est froid. Le rouge est gris. Simon et Gabriel, en terminant cette rencontre, cette belle rencontre, dites-moi, quels sont les projets de l'orchestre? Est-ce que il y a une tournée qui accompagne ce disque, ou bien on repart en nomade sur d'autres territoires et qu'on vous aurait fait avec cet album une sorte de point d'orgue là, sur le travail qui a été fait ces dernières années? En fait, le disque vit tout seul. On l'abandonne maintenant à son propre sort. Il y a pas de tournée, pas de spectacle qui va avec ça. On travaille par contre, on enlève une couche dans notre vie. On travaille beaucoup par couche, c'est-à-dire que c'est pas plein de projets qui se succèdent. Hein. C'est plein de choses un projet qui est au commencement, un qui est à la fin. Puis là, on joue avec cette superposition-là de projets. Des fois, les projets se répondent aussi un peu un l'autre. Mais fait que là, dans le fond, on enlève cette couche-là. Ça va faire du bien, puis ça va être le fun de l'avoir un peu avec de la distance. Puis c'est sûr que ça nous a donné envie de faire d'autres disques. Puis d'autres disques de d'autres formes. Celui-là, on l'a fait comme ça, mais tu sais, je pense, on est dans une émission d'art sonore. Tu sais, on a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'art sonore dans l'équipe. Fait que je pense qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, peut-être de ce côté-là, je partais sur quelque chose. On fait un spectacle qui sort au Périscope en avril qui veut utiliser un peu le langage de l'opéra et de la musique classique, baroque, renaissance. Fait que probablement que peut-être qu'on aimerait cette fois-ci le mettre en archive, le mettre sur format disque aussi, puis le faire vivre autrement. Fait que c'est un peu ça, là. On va voir là, comment l'ouverture du chemin disque, où ça nous amène ça, là. Alors, Simon Drouin, Gabriel Voutier, merci beaucoup. Et puis, on invite les gens à se procurer le CD dans tous les bons magasins de disques, comme on dit, et probablement sur Internet. Alors, à la prochaine. Voilà, ainsi s'achève l'émission pour ce soir. Nos meilleurs sentiments vont à la famille, aux proches et aux amis de Simon Drouin. Vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille. Quant à moi, je vous reviens la semaine prochaine sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. just go to West Memphis.